Ouais, voilà. Il y a Didier Bougon qui vient, qui organise avec Elisabeth de Monteil. C'est, elle se balade avec un orgue à cheval, avec une roulotte. Ah ouais. Ouais, c'est sympa, tu l'aimerais bien. Elle. Elle, ouais. Ça va, oui. Bon, ça va, Marine aussi. Bon. Marine est en plein dans la fonction publique, comme d'habitude. No good, no good. No work. C'est sympa, Marine. Hein. Oh oui, bien sûr. Et la dentelle de Pierrot. Oui, j'en ai donné, mais... Attends, non, j'en ai suffisamment. D'accord. Merci, à bientôt. Bonne route à vous. Je t'appelle demain, pour te dire. Ok. Samedi, t'es là? Alors ça va être l'aventure. Oh c'est sympa. Ouais. Ok bon on s'appelle demain. Oui d'accord. Demain je t'appelle, j'ai ton petit carton. Tu l'as encore? Ah ouais bien sûr. D'accord. Bien passé. Ouais, c'est sympa de jouer au violon ensemble. Ah oh, bah c'est sûr. Hein. Ah oui. Super. Je me sens ridicule par rapport à lui aussi. Mais non. On est complémentaires peut-être. Exactement. Alors c'est lui que je veux voir. Bonjour. Rappelez de moi. Bien sûr. Hein. Vous comment avez ça ma va photo de Rolando. Hein? C'est lui que vous voulez voir, c'est pas moi. Tous les deux. Rolando. Ouais, photo. Vous en voulez toujours? Ouais. Vous l'avez pas là? Je l'ai pas là, non. Quand est-ce que vous revenez me voir? C'est bon. N'importe quel jour. Et je devais vous la donner, puis après vous avez un petit problème avec votre chien, je crois. Non, c'est pas vous? Ah non, c'est pas vous. Tiens. Ah, vous n'avez pas de chien? Il y a plusieurs personnes qui voulaient Rolando en photo. Quand est-ce que vous revenez me voir? Il faudrait que je la prenne sur moi. C'est quoi? La semaine prochaine? La semaine prochaine. C'est bon? Ouais, la semaine prochaine. Bien sûr. Ça se dégrade demain nuit. Là, vous mettez dans votre sac et puis... Allez, là, c'est grande commun, hein, comme ça. Hein. En noir et blanc. C'est qu'il était bien Rolando. Hein. C'était un orchestre local dans les années 60-70. Il a fait des milliers de balles, il a fait rencontrer des milliers de personnes. Et il disait, il jouait de l'accordéon, son fils jouait du synthé, il avait un batteur. Puis on est reparti. Et puis après il s'est embrassé, votre chevalier. Pas vrai? C'est bien Roland. Ah c'est vrai. J'ai même un frère qui s'appelle Roland, parce que mon père a toujours dit, on l'a fait en venant chez Rolando. La semaine prochaine. Ouais d'accord. À bientôt. À bientôt. Je me prépare. De toute façon, si je l'ai pas sur moi, j'irai le chercher. J'en ai pour 5 minutes, j'habite là. Ouais. À la semaine prochaine. Je jouerai pour vous. Comment? À la place, je jouerai pour vous quand vous êtes parti. Ah oui, il n'y a pas de problème. À bientôt. Allez, bon courage. Ça va, Oli? Bon, allez, bon. Thank you. Ça fait plaisir de rire, on n'a pas joué ensemble. Hein, c'est vrai. Il n'y a pas de monde, c'est ma jeunesse, un mauvais garçon. Ah, c'est ça. C'est votre jeunesse. Ah bah oui, mais la jeunesse est éternelle, madame. Ah oui, comme vous dites. C'est vrai. Merci de votre gentillesse. Ça vous rappelle des souvenirs, je parie, toute cette ah musique. Ah oui, mon garçon, c'est de vrais gens qui chantaient ça. Cette fois, j'ai joué pour une dame qui c'était les Roses Blanches. Ah cette oui, dame, elle me dit, ça me rappelle tant de souvenirs. Ah oui, je elle s'est mis à là. Ça m'a pleuré. C'est toutes des musiques qui rappellent Bert Silva, je crois. Bert Silva. Et elle rappelait plein de souvenirs, tout ça. Oui, mais quand on écoute. Je suis sûr que ça vous a rappelé plein de souvenirs d'antan. Et tous les souvenirs se ramènent comme ça, hein, c'est vrai. Oui, oui. Un petit air comme ça, mauvais garçon. Regardez. Merci de votre gentillesse, votre appréciation. Je suis très heureux de vous avoir fait plaisir, madame. Désolé. Ah ben. Je me raccorde parce que j'ai changé mes cordes là. Ah ouais? Elles sont toutes neuves et du coup elles descendent.